geste vers l'infini de mon exil. Parmi ces terres meurtries, je cherche un asile. J'ai le noir de ton regard, ouh, inoubliable, qui brûle ma mémoire d'une fièvre coupable. Dans les brumes du délire solitaire, tu reviens éphémère. Si tes mains s'enfuit, chacune de tes caresses baptise envie et détresse. L'or va fuir le rêve de nos étreintes dans le silence de ma plainte. Le ciel est fait de rouille et de remords dans l'absence de ton corps, de ton corps. Porter sa flamme, sa gloire m'a transporté au-delà de mon âme. De tous ses compagnons, j'étais comme son frère. De moi, toute trahison n'était que chimère. De ton corps.